Bonjour et bienvenue à tous dans votre horoscope de la semaine du 16 septembre 2024. Démarrons tout de suite par nos amis les béliers. Stop au surmenage. Voilà, s'il n'y avait qu'une phrase à retenir, c'est celle-ci. Il est nécessaire de prendre le temps de davantage de vivre. Acceptez de déléguer parce que vous en avez besoin. Côté relation, Jupiter vous transmet son aisance à communiquer. Votre vie privée s'épanouit. Écoutez activement. Partagez vos émotions et opinions. Vous nourrissez ainsi votre relation. Ami Taureau, à présent, on apprécie votre calme, mais aussi votre côté consciencieux. Dans vos démarches, faites preuve de sang-froid, cela épatera. À présent, le côté relation. Toute cette semaine, Vénus et Jupiter donnent de l'ampleur à vos amours. Si vous êtes un cœur à prendre, votre séduction agit doublement. Alors, osez vous mettre en avant. Gémeaux, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton rétrograde vous embêtent. Oui, ils jouent contre vous. Chassez les coups de bambou par des petites pauses et restez persévérants. Côté relation présent, Jupiter et Vénus font voler en éclats vos frustrations ou complexes célibataires. Laissez-vous donc porter par les ailes de l'amour, il n'est pas loin. Ami Cancer, profitez du soleil pour prendre l'air à plein poumon et évitez de vous plonger directement dans la routine. Prenez le temps de souffler encore un peu, on ne prend pas les mauvaises habitudes. Côté relation, Soleil et Mercure apportent une touche de fantaisie à vos relations professionnelles et stimulent également vos amitiés. Usez d'humour en toutes circonstances. Lion, Mercure et Jupiter vous permettent de répondre aux nécessités de la vie courante et aux questions pratiques avec célérité. Acceptez les responsabilités. Côté relation, en présence selon Vénus, une atmosphère chaleureuse règne au sein de votre famille. Laissez la tendresse se manifester naturellement, ça fait du bien, toujours du bien. Amis vierges, et puis joyeux anniversaire pour nos amis les vierges qui célèbrent cette fête cette semaine. Voilà. Entre mercredi et vendredi, le soleil, Uranus et Pluton vous offrent une énergie épatante. Volonté, aplomb et charisme sont vos atouts. Mettez-les en avant surtout. Côté relations, en famille, vous avez besoin de donner. Partagez donc votre temps, vos conseils et votre soutien émotionnel ou matériel. Et n'oubliez pas de vous prévoir une petite soirée en votre honneur si c'est votre anniversaire cette semaine. Balance, de nombreuses planètes rétrogrades risquent d'entraîner de la confusion ou des complications de votre quotidien. Remontez vos manches, il va y avoir un peu de boulot. Côté relation, Vénus en balance, bien reliée à Jupiter, vous aménage un terrain propice au grand bonheur sentimental, voire affectif. Donc profitez de ce ciel azur, une fois n'est pas coutume. Amis scorpions à présent, entre mercredi et vendredi, le soleil, Uranus et Pluton même vous secondent pour faire passer vos messages. Alors bougez-vous pour obtenir gain de cause. Côté relation, Mars fait tomber vos craintes inhibitrices et votre dynamisme ajoute une touche de jeunesse à votre charme. Soyez surprenant. Sagittaire à présent, vous êtes très impliqué dans vos tâches, oui, mais vous n'êtes pas une machine surpuissante, alors il est important quand même de vous reposer un peu et éviter le surmenage. Côté relation, Jupiter et Vénus favorisent votre épanouissement, en solo ne laissez aucune piste de côté. En duo, dégustez la joie de vivre à deux. Capricorne, entre mercredi et vendredi, vous pouvez compter sur des avancées. Pluton, Uranus et le Soleil distillent de la confiance en vous. Ça vous donne du pouvoir. La clé de votre succès est donc entre vos mains. Côté relation, misez davantage sur vos amis, car amoureusement, l'ambiance est un peu tendue. Tant qu'il y a des amis, tout va bien. Verseau, votre agenda est saturé, mais vous pouvez maintenir le cap. Ne passez pas à côté de moments opportuns, gardez l'instinct des gagnants. C'est tout vous ça. Côté relation, Jupiter et Vénus vous prédisposent au bien-être et à l'amour. Il n'est pas trop tard pour une demande en mariage, voire un second voyage de noces. Poissons, mes chers petits poissons, dès mercredi, Uranus et Pluton vous placent au rang des gagnants. Oui, oui, n'hésitez pas à vous affirmer haut et fort. Côté relation, mes petits poissons, Saturne vous rend un peu sauvage. Fuyez la foule, vous avez besoin de paix, de calme. Faites comprendre à vos proches l'envie de vous ressourcer tranquillement. Voilà, vous pouvez remonter un petit peu le courant pour vous mettre un petit peu à l'écart. Voilà, chers amis, c'était votre horoscope de la semaine et j'aurai grand bonheur à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao !